À vous de bien écouter les nouveautés de ce soir pour ensuite les commander sur le net ou directement les acheter chez votre dealer préféré. Il vient de passer par là, DJ Futura, sur Sonar Recordings, à présent une production de Mélodie qui tourne dans le tempo et sur les platines de la 3, Mélotrax, dans un featuring Shaft avec Sway sur EDM Recordings. Couleur, couleur, couleur. Entre temps, Black Mail a changé de vinyle, c'est pas possible. Il est comme ça le morceau. C'est un remix. D'accord. Un remix choisi par Black Mail. Mélodie sur Couleur 3. Jolie mélodie, oui. When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. When the rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Commandé par DJ Beat, le magasin de vinyle prêt-à-porter, Mélotrax, le dernier sur EDM Recordings. Voici à présent la chronique consacrée aux nouveautés sorties en CD cet été et dont nous n'avons pas eu encore l'occasion de parler. On commence par Tatana après l'opus Pink Punk. Là, voici à nouveau format compilation pour la série 01 des compilations CD de la soirée Énergie qui se déroulera samedi prochain à Zurich et dont on parlera mercredi dans Trans Escape. Une bonne compilation, en somme, sur laquelle on retrouve une sélection trans et progressive, les hits de l'été. Le titre de Tatana qui a rencontré en studio DJ Énergie. Autre compilation de l'été, l'Alec Parade 2001 chez Music Fair Trib avec deux mix sur un CD, celui de, comme on dit à la radio, Spock et Mister Al. Et à écouter quand même avant d'acheter, on y retrouve quelques titres signés sur Progressive State Recordings, la très bonne plaque de Mister Al que vous allez aimer qui s'appelle Oratorio, et le titre que ni Spock ni Mister Al ont voulu mixer, et après écoute on comprend pourquoi, c'est l'hymne officiel de l'Alec Parade qui se retrouve en bonus track et dont on aurait bien voulu se passer. La bonne surprise de l'été vient par contre de DJ Snowman avec l'opus, je donne des bonnes notes comme

La grosse paranoïa de l'été, du gros son pour faire croire que tu as chez toi une toute petite chaîne Rikiki en plastique achetée chez Ta Marche Pas et qui sature dès que tu montes le son. Hyper Tracks avec Paranoid sur le très recommandable Overdose Recordings. Avant de refermer le dossier CD de l'été, autre compilation pour parader avec le son à fond dans ta voiture, et bien cet été, compilation Street Parade 2001 mixée par MindX qui enchaîne cette année CD sur CD après celui du Motion Dance Open Air. D'ailleurs, difficile de prime abord comme ça de savoir que c'est lui qui l'a mixé et fait, tant son nom est écrit en tout petit dessus à l'intérieur. 19 titres surfant entre trance et progressive sur les summer hits de l'été. La street compilation est sortie sur TBA Recordings. La street compilation, tu peux l'avoir chez toi puisque nous allons l'envoyer par courrier, donc chez toi. Tu nous appelles là maintenant au 021 320 63 83. Nous avons quelques exemplaires à te refiler. Trance Escape. Après Hyper Tracks, Ray Clark sur Hardwell File Recordings. Voilà, mon moment préféré est arrivé dans la session de nouveautés. C'est le vinyle que tu ne vas jamais acheter tant les références sont compliquées. Eh bien, ce moment donc est arrivé. Même Blackmail ne veut pas le prononcer. DJ Voot meets Dappy J avec le titre Awakening sur Illusion Recordings. Il s'agit d'une production de Peter Van Verarchtert. T'as rien compris? Alors connecte-toi sur le site www.couleur3.ch rubrique Trans Escape pour consulter le tracklisting de ces nouveautés du lundi 6 août 2001. Parmi ce tracklisting arrive Martin Hensing, John Leonardo Leopard avec Temple of Dream sur Alphabet City. We'll be right back. Avant de se dire 23h, il est 23h, avant que Darren Emerson ne mixe avec d'autres titres électro cette nuit à partir de minuit dans les métissages, Black Mel dégaine ses dernières nouveautés. Voici The Moon avec Sushi sur Beat Recordings. Nous écouterons aussi, si c'est possible, Max B. Grant avec Vida Nueva. Tout à l'heure, juste avant 23h, Black Mel, le gars sympa, reviendra jeudi entre 22h et 23h pour nous présenter avec un petit peu d'avance la sélection qu'il a opérée pour la nouvelle compilation Goliath et qui sortira le 7 septembre prochain. Entre temps, et donc entre mardi et mercredi, et entre 22h et 23h, nous aurons le temps de vous présenter deux thématiques un peu spéciales consacrées tout d'abord à la Street Parade de Zurich et puis à la soirée énergie. Tout ça avec Mindix et Sonic T.